Bonsoir à tous. Le Belge Tim Merlier a remporté au sprint la troisième étape du Tour de France à Dunkerque ce lundi. Mathieu Van Der Poel conserve d'ailleurs le maillot jaune de leader. Ce mardi, le peloton quittera les Hauts-de-France pour rejoindre la Normandie. Cette quatrième étape, longue de 174 km, s'élancera d'Amiens pour une arrivée jugée à Rouen. Les coureurs enchaîneront alors 5 côtes dans les 40 derniers kilomètres. Les punchers et même les leaders devraient donc une nouvelle fois jouer les premiers rôles. La bonne nouvelle pour la formation Cofidis, elle a confirmé ce lundi avoir récupéré l'intégralité des vélos volés à son hôtel après la première étape du Tour. Le préjudice était tout de même estimé à 110 000 euros. Un vol qui n'a pas eu de grand impact sur le bon déroulé de la course puisque des vélos de remplacement ont été récupérés lors de la seconde étape. Dans le reste de l'actualité également, un incendie incontrôlable. L'Aude fait face depuis ce lundi après-midi à un gigantesque incendie. Le feu a déjà parcouru plus de 1450 hectares tandis qu'une portion... Sur Chéri FM, c'est le moment de monter le son. Dansez sur votre titre préféré des années 2000. Plus belle musique. Matériel, profitez de la puissance de la gamme MSCV avec les engins de chantier Hitachi. Pelle et mini-pelle de 1 tonne 9 à 35 tonnes. Vente, pièces détachées, entretien, réparation, un service complet, local et réactif, proche de chez vous. Venez découvrir notre parc de machines en stock et nos possibilités de financement au 5 rue Raoul Tanon de Pélissier à Zédicolery-Cayenne au 0694 45 53 27. MSCV avec Hitachi, c'est solide, fiable et disponible. Guyane Matériel, votre partenaire chantier de A à Z. Propriétaire de Mazda, Mercedes, Mitsubishi ou Nissan de plus de 10 ans, vous êtes concerné par ce message. Un défaut des airbags Takata compromet votre sécurité et celle de vos passagers. Pour les faire remplacer gratuitement, contactez dès maintenant votre concession Guyane Automobile au 0594 39 92 90. Ne prenez pas de risques, faites changer vos airbags, rendez-vous à la zone Terkamatoury, c'est gratuit. Ceci est un message d'alerte Guyane Automobile. Pensez à covoiturer. Mais où court-il comme ça ? Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas où en courant ? T'as pas oublié ce que je t'ai dit l'autre jour ? Je veux du neuf, de la couleur, du style dans toute la maison. Et ben voilà, c'est maintenant ou jamais. Quoi donc, raconte ! Ça pro, des soldes de folie, du carrelage en veux-tu en voilà, des formats variés, des couleurs qui claquent et même les mitigeurs pour refaire toute la salle de bain. Et ils ont des pros en magasin pour nous guider. Attends, attends, des nouveautés, du choix et des conseils en plus. Oui, mais il faut se dépêcher. Les soldes, c'est jusqu'au 22 juillet chez Sapro à Cayenne. Alors, tu viens ou je refais la maison tout seul ? Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Sapro Guyane. C'est nouveau, c'est pratique et c'est une première en Guyane. La déchetterie mobile Colibri de la CCOG arrive dans l'Ouest. Chaque mois, une semaine durant, elle s'installe à Awala, Javouet, Charvin, au bourg de Mana et même à Kouachi sur la RD8. Apportez vos encombrants, déchets verts, objets recyclés. Un service simple, gratuit, pensé pour les habitants de Mana et Awala Yalimapo. Retrouvez les dates de passage sur les réseaux sociaux Ouest Guyane. Déchetterie mobile Colibri, un service CCOG. 30 ans d'engagement au plus près de vous. Chérie, après ce petit dîner aux chandelles, que penses-tu de finir la soirée chez moi ? Ah, chez toi ? Ah, non. Il fait vraiment trop chaud dans ton appartement. On étouffe. Eh bien non, ma douce. Je suis allé chez Blandin Guyane. Ils proposent des nouveaux climatiseurs à des prix vraiment intéressants. Alors, je me suis équipé. Ah, un climatiseur ? Alors, dans ce cas... Blandin Guyane donne de la fraîcheur à vos envies. Blandin, Zaterka Amatoury. Ah, et reste dans le lit Blandin. Électricité, éclairage, outillage, espace vert et climatisation. Du mercredi 2 au dimanche 13 juillet, votre catalogue, vos jours hyper promo, arrive dans tous vos magasins Uguyane. Profitez des prix exceptionnels sur les produits du quotidien. La merguise à 6,99€ le kilo. Le pot de pâte à tartiner Nutella à 6,79€ les 750 grammes. La briquette de jus à base de concentré de pommes U à 2,49€ les 6 fois 20 centilitres. Ne manquez pas cette occasion unique de faire des économies. Les jours hyper promo, c'est maintenant chez U. À vous de jouer. U. Commerçant autrement. Moins 20. Moins 30. Moins 55. Cet été, chez Easy Drive, profitez de remises gonflées jusqu'à moins 55% sur le deuxième pneu Michelin, Bridgestone ou Continental jusqu'à fin juillet. Et ça, c'est... Easy Drive, c'est le plus grand choix de pneus en Guyane. Easy Drive, c'est trois centres en Guyane. À Cayenne, à l'entrée de Galmo, et aussi rond-point Maringouin, derrière Conforama, direction Tonton Déco. 0594 28 32 65 28 32 65. Et à Saint-Laurent, 0594 34 13 59 34 13 59. Easy Drive, le bon pneu au bon prix. Dans vos entreprises, on entend souvent: c'est dans quelle salle la réunion? Mais quand il s'agit de santé mentale, il est temps de pouvoir parler santé mentale. Favoriser l'écoute et le bien-être de vos collaborateurs, c'est améliorer l'efficacité de vos entreprises. Dirigeantes, dirigeants, engagez-vous avec les représentants des salariés en proposant des aides et des formations pour mieux accompagner vos équipes. Parlons santé mentale. Plus d'informations sur santémentale.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Chérie FM, écoutez. Feel good music. C'est David Guetta sur Chéri FM. Maintenant, Feel Good Music Non-Stop.